Good job.

We'll be right back. I'm gonna go get some more. love her. Comment respirer? Comment respirer? Putain, système d'exploitation. Putain, d'exploitation. Devrait sortir du système. Radica. Avec Arthur Rimbaud, poète, les mots, dernière chose, habiter le présent. Je crois bien que tu en boules maintenant. Tu as faux, ouais, tu as faux. Chauffé à blanc. Finalement, peut-être, c'est ce que je recherchais finalement. Le contraire d'un consentement. Un truc mou, c'est que là. Réveil, conscience. Réveillé déjà, hyper énervé déjà. Me permettant de le dire, de le dire, de le dire encore. Plus ou moins, tranquillement, tu m'arraches le consentement. de moi tranquillement. Putain, trop fort comme Google. Apple, la rage, tu me prends consentement. En m'enculant doucement. Heureusement, les poètes sont là. Soir historique, scène, ville, démocratie. Génie, dévotion. Jeunesse, dévotion, bordel. Le châtiment de Tartuffe. Tisonnant, tisonnant. Le châtiment de Tartuffe. Sacha se robe noire, heureux, la main gantée. Un jour il s'envolait sur les deux, incroyablement doux. Bavant la foi, sa bouche dans. Le début de l'année, nous l'ont chapelé de péché pardonné, décrenant dans son cœur, Saint-Arthur, elle débat, elle débat, elle débat, soir historique, peut-être, donc, il se confessait prié avec l'homme contenta d'emporter ses rabats. Peur d'artiste élu du haut jusqu'en bas, du haut jusqu'en bas. Putain, il place de la gare à Charleville. Sur la place taillée en machine pelouse. C'est correct, les arbres et les fleurs. Tous les bourgeois poussifs qui tremblent les chaleurs. Bon, je vois leur bêtise jalouse. À la musique. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance chacos sur la page de fond. Autour, premier rang, parade, le gandin, le notaire pend à ses breloques à chiffres. À la musique, à la musique, Tartuffe, création. Dialogue social.